soleil de septembre, la paresse gagne mes membres. Dans le bourdonnement de l'air, j'épouse le mouvement de la terre. Je m'imagine à l'envers, habitant des antipodes, si loin du bruit et des modes, sur la plage du Grand Travers. 1600 km/h suffisent à mon bonheur, passager d'une croisière à la vitesse de la terre. Sur le sable ou sous ma couette, je ne quitte pas ma planète. Quelques triangles de toile dessinés sur l'horizon m'invite à mettre les voiles pour vivre comme Robinson. Mais je reste sur mon rivage, à l'abri du surmenage. Je ne goûte du grand large que la brise sur mon visage. 1600 km/h suffisent à mon bonheur, passager d'une croisière à la vitesse de la terre. Sur le sable ou sous ma couette, je ne quitte pas ma planète. Ce sera notre manifeste, oisif de tous les pays. Unissons-nous pour une sieste, résistons par l'inertie. 1600 km/h suffisent à mon bonheur, passager d'une croisière à la vitesse de la terre. Sur le sable ou sous ma couette, je ne quitte pas ma planète.